J'ai raté mon entretien d'embauche, j'ai raté mon permis de conduire, j'ai raté mon rendez-vous amoureux. Mais je suis sûr d'une chose, je ne raterai jamais British Connection, mon émission rock. Jamais. Ouais, c'est ça. Toi aussi, affirme ton côté rock en écoutant British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les autres radios. Bonjour, je m'appelle Frédéric Rapi, je suis journaliste, écrivain, auteur de plusieurs livres sur la musique, différents groupes souvent liés au post-punk, au rock, et parfois aussi des groupes français comme Indochine, un groupe qui m'a toujours intéressé, que j'ai vu en concert, que j'ai écouté plus jeune beaucoup. Moi j'ai découvert l'aventurier comme beaucoup d'ados vers 15-16 ans, en même temps que Taxi Girl à l'époque. Et donc, dans ce livre qui est sorti aux éditions Confolk, j'essaie de raconter disque par disque un petit peu l'évolution, la genèse du groupe et comment il en est arrivé à être aujourd'hui l'un des plus vieux groupes de rock français, quoi qu'en disent certains rock critiques. Et voilà, donc dans le début du livre, je raconte un petit peu comment le mini-album qui les a propulsés au devant de la scène s'est fait. Et notamment, ce qui est assez marrant, c'est de voir que Nicolas, qui est le chanteur, Nicolas Sirkis, écoutait beaucoup de groupes anglais, anglo-saxons, comme Magazine, Martha and the Muffins, mais aussi Bow Wow, qui était la dernière création de Malcolm McLaren. Et il suivait beaucoup ce qui se passait à Londres. Donc, quand le groupe a émergé, il y avait tout ce mouvement post-punk, New Romantics à Londres. Et dans ses souvenirs, Nicolas se rend sur place seulement avec Dominique, le guitariste, car la maison de disques ne veut pas payer le prix de billets aller-retour. Et pour Indochine, sur place, l'homme de la situation, c'est un ingénieur du son qui s'appelle Simon Schofield. C'est un Britannique qui a travaillé avec Duran Duran, Culture Club et différents groupes, même certains assez underground, comme les gothiques de Sex Gang Children. Il va trouver l'astuce technique qui va permettre de mettre en avant le son d'Indochine, notamment ce qu'on appelle la reverb, cet effet d'écho sur l'introduction du titre phare du groupe qui sera l'aventurier. C'est une idée qui va donner beaucoup de singularité à ce morceau. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pourrez écouter une version primitive du morceau d'Indochine l'aventurier qui est disponible sur YouTube, qui permet d'entendre la nette différence entre les deux. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir à quel point Nicolas, qui était passionné pour le courant rockabilly, écoutait les Cramps, Stray Cats, mais aussi un groupe français qui s'appelait les Costards, et qui va en lui rester quelques tics dans sa façon de chanter. Ça s'entend sur l'album, mais les redoutables critiques rock français qui sont à l'époque de Rock and Folk et Best vont être conquis, et le disque va se vendre à près de 200 000 exemplaires. Voilà. Donc moi je vous propose d'écouter un morceau de cette époque qui s'appelle Dissidence politique. British Connection, just rock. Froide et mocadon, destruction de ton nom. British Connection. British Connection. Bonjour, je suis Frédéric Rapini, je suis écrivain, journaliste, auteur de différents livres sur la musique, dont un beau livre sur Indochine qui s'appelle Indochine, dissidence rock'n'roll, qui est publié aux éditions Rock and Folk et qui est un peu destiné aux fans du groupe pour leur raconter la genèse des différents albums et comment le groupe a évolué. Donc là, je m'arrête sur l'album Paradise, qui est un peu l'album de tous les records pour Indochine. C'est aussi l'album de tous les paradoxes. Logiquement, il aurait dû être le disque qui aurait dû mathématiquement sur le papier se vendre le moins. Et puis, il va quand même s'écouler à plus de 1,5 million d'exemplaires. C'est un super record. C'est même peut-être, après Louise Attaque, l'un des disques les plus vendus en France. Et c'est un disque de rock. Enfin, oui, vraiment de rock, même de rock metal. Puisqu'en fait, tout ce qui va créer le son de ce groupe, c'est un concert, le concert de Marilyn Manson à Paris, auquel va assister Nicolas, accompagné de son nouveau collaborateur Olivier, Oli de Satte. Et en voyant ce concert, ils vont décider tous les deux d'élaborer le son de Paradise. Alors, il y a plein de choses à raconter, mais sur ce groupe, ce qui est assez amusant, c'est par exemple de savoir que c'est un journaliste belge qui s'appelle Rudy Léonet, qui est un ancien parolier et chanteur du trio électro-pop La Variété, qui est devenu un proche de Nicolas, qui va lui faire une suggestion. Notamment, il sait que Nicolas a envie de chanter Le Grand Secret en duo avec une femme, mais qu'il n'arrive pas à trouver une candidate idéale. Et donc, Rudy va lui glisser alors le nom de Melissa Ofdermore, qui est une bassiste américano-canadienne qui chante aussi et qui a fait partie de Smashing Pumpkins. Donc Rudy glisse ce nom et en fait la jeune femme va accepter de chanter sur ce morceau. Donc Le Grand Secret, ça va être enregistré à New York, pas n'importe quelle date, le 10 septembre 2001, dans le studio de James Iha, le guitariste des Pumpkins. Et le soir même, Nicolas va rentrer à Paris en prenant un avion. Et le 11 septembre, il y aura deux avions qui se percutent sur les tours du World Trade Center. Voilà, c'est assez incroyable. C'est aussi les contradictions, les paradoxes de la vie. Voilà, donc ce duo va être un des tubes avec J'ai demandé à la Lune de cet album Paradise qui va en fait annoncer et amorcer le grand retour d'Indochine en France. Voilà, moi je vous propose d'écouter le Grand Secret, tout simplement. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Je te verrai et quand je te Connection, you rock. Alors si Indochine a longtemps été comparée et pas toujours à son avantage avec The Cure, pour des très mauvaises raisons d'ailleurs, ce qui est amusant et étrange, c'est qu'il a beaucoup moins été comparé à Depeche Mode, et pourtant l'influence du quatuor devenu trio, maintenant devenu duo, du Nea Basildon en Angleterre a toujours été là, sans d'ailleurs que Nicolas Sirkis ne l'ait jamais nié. Il l'avait même clairement revendiqué sur l'album Danceteria, qu'il avait présenté comme le pendant indo-chinois de Black Celebration de Depeche Mode. Mais cette influence de Depeche Mode s'entend encore sur l'album Black City Parade. Cette influence s'entend dès le titre du même nom, qui est enchaîné en intro avec un morceau intitulé Black Ouverture. Donc que du black. Avec ce clin d'œil, il y a un riff de guitare bluesy et bien gras qui est cranté, vissé, ajusté sur un beat électro qui évoque, sans qu'il y ait vraiment une hésitation, le tube mondial de Depeche Mode, Personal Jesus, qu'avait signé Martin Gore en 98. Et voilà, c'est un morceau d'ailleurs qui sera repris par Indochine dans l'émission Taratata en 2010. L'hommage à Depeche Mode se poursuit de différentes façons sur l'album. Black City Parade ce qui est considéré comme des titres le plus dansant du disque, un morceau qui s'appelle Belfast. C'est un morceau qui se fait remarquer immédiatement par son petit gimmick électropop ultra court comme une virgule, qui fera sourire d'ailleurs les fans de la première heure de Depeche Mode, puisque ça rappelle l'irrésistible et tubesque Just Can't Get Enough, un morceau qui est aussi côté texte un tribut à l'auteur de la poétesse américaine Sylvia Plath, en particulier avec un recueil de textes traduit en français sous le titre Ariel par Valérie Rousseau. La collision entre les mots et un peu désuet, la modernité des sons joue comme un effet révélateur et font de ce titre un passage obligé et enjoué du groupe lors de la tournée Black City Tour. Donc voilà, moi je vous recommande ce morceau de j'allais dire Depeche Mode, non, d'Indochine, qui s'appelle donc Black City Parade, et que je vous propose d'écouter maintenant. Voilà, je vous laisse, à bientôt et bonne écoute. Je n'ai British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la troisième partie et fin de l'album de la semaine. Le duo s'appelle The Disease. Retrouvez-les sur thedisease.com. Dawn, c'est une chanson qui me tient très à cœur, puisqu'elle a été écrite en hommage à Rose Williams. Et c'est vrai que, oui, c'est peut-être la chanson que j'aime le plus interpréter. Je l'aime énormément. Et voilà, je me plais à m'imaginer qu'il est peut-être en train de rôder sur la scène, voilà, qui revient parmi nous. I saw you in the blue light of a graveyard lost in the down, the middle of eight people who slept so deeply. Okay. For a walk with me. You were perfectly yourself. You were perfectly yourself. Welcome. British Connection. British Connection. British. British. British. British Connection. British Connection, l'émission qui te fracasse la tête. Elle va me tuer. Fallait réfléchir un peu avant de vous laisser entraîner par ces truands.